Chapitre 8e. Dire que la comtesse avait embelli serait chose inexacte et banale. D'ailleurs, elle n'en avait pas besoin. Mais sa beauté paraissait éclairée de moins haut, plus accessible. En tout, elle semblait plus femme, aussi sévère pour elle-même sans doute, mais moins incapable de comprendre les faiblesses des autres. Elle avait, à certains moments, quelque chose de moins assuré dans le regard, de moins bref et de plus vibrant dans la voix. Paul, avec ses yeux et ses oreilles d'artiste, constata la différence la première fois qu'il revit Claire de Chalonne. « Si l'on ne connaissait votre cousine, dit-il à Nadia, ce serait à s'y méprendre. La perte de l'homme aimé a produit en elle le même changement que l'amour apporte avec lui d'ordinaire. » Ce qui changeait ainsi la comtesse n'était ni le brisement d'un amour ancien, ni l'éclosion d'un amour nouveau. C'était une découverte qu'elle avait mis 3 ans à faire. Un jour, dans le grand château en deuil, ensevelie elle-même sous des crêpes sombres, elle s'était vue entourée de parents, de voisins, d'amis consternés, moins occupés du mort qu'il venait de voir descendre dans sa fosse que de la vivante qui restait. Comment pourra-t-elle vivre sans lui? Elle l'aimait tant. Cette question muette se lisait dans tous les yeux, fixée sur la jeune veuve et reportée sur l'enfant qu'on avait poussé dans ses bras. Comme on pousse la bouée de salut vers le naufragé qui se noie. Le vieux marquis de Chalonne et sa femme oubliaient, pour l'exhorter à vivre, la douleur qui les écrasait eux-mêmes. Le saint prêtre, confident des nobles secrets de son âme et de son austère vertu jamais troublée, venait de lui dire « Tendez humblement votre poitrine au glaive qui la traverse, chrétienne fidèle. » Ce glaive, elle ne l'avait pas senti, et sa main en cherchait vainement, à la place du cœur, la poignée cruelle. D'amers regrets, de tendres souvenirs lui déchiraient le sein. Mais elle n'éprouvait pas le froid de la blessure inguérissable que laisse après lui l'amour profond, unique, éternel, l'amour dont elle avait été fière de se croire possédée. Peut-être la violence même du coup l'empêchait d'en ressentir la première atteinte. Mais les heures se passèrent, les jours accomplirent leur course, le mois s'écoula. Elle ne sentait pas l'acier du glaive. Dans chacune de ses visites à son cher mort, tandis que ses genoux se meurtrissaient sur le marbre funèbre, ses yeux versaient les larmes qu'arrachent la perte de l'ami le plus cher. Elle ne voyait pas couler le sang qui s'échappe des sources intimes de la vie. Elle s'étonna, elle s'indigna, elle rougit d'elle-même. Dans le secret de son cœur, elle se traita d'amante infidèle et d'épouse ingrate. Elle ne put même s'empêcher de songer à sa cousine. Elle se souvint de cette soirée où le seul regard de Paul, abandonné trop longtemps sur une étrangère, avait rendu Nadia presque folle. À de tels égarements, pensa-t-elle, se connaît la passion véritable. Nadia, Nadia, que ferais-tu donc s'il était mort, lui? Alors, plus froidement, elle s'interrogea et comprit, en face d'un froid tombeau, ce que la chaude intimité du foyer conjugal ne lui avait pas laissé le loisir d'apprendre. Ainsi donc, se disait-elle, j'ai gardé pour mon mari toutes les imaginations de mon enfance, tous les enthousiasmes de ma jeunesse. Aucun autre homme n'a obtenu de moi ni un regard ni une pensée. Il m'a comblé d'un bonheur dont mon cœur et ma bouche le remerciaient chaque jour. Je vivais pour le rendre heureux. Je serais morte avec joie pour lui. Chaque séparation était pour moi un chagrin. Et cependant, je ne l'aimais pas. Qu'est-ce donc que l'amour ? Alors il lui sembla que, d'une grande hauteur, elle était retombée. Elle se souvint du temps où elle condamnait avec une sévérité presque égale les époux sans foi et les épouses sans amour. Elle devint très humble en découvrant cette lacune qui la laissait imparfaite et comme inachevée. Elle eut besoin de son courage pour se résigner à vivre ainsi, secrètement amoindrie devant sa propre conscience. « Heureusement, se dit-elle, je n'ai pas besoin de l'amour pour bien élever ma fille. » Ce fut dès lors sa grande tâche, et l'enfant, remarquablement doué, l'y seconda merveilleusement. Ainsi, 3 années se passèrent. Dans l'intervalle, Madame Fresnel avait fait plusieurs visites à la pré, et chaque fois le changement de Claire à son égard s'était accentué. Sa cousine semblait descendre d'un piédestal et l'y faire monter. Elle était aussi affectueuse, mais plus douce, moins absolue dans ses conseils. Elle semblait abandonner peu à peu son rôle de sereine et impeccable. À cette heure, elle imposait moins à Nadia et par suite, la conséquence était-elle juste, elle la rendait moins jalouse. Aussi, dès son arrivée à Paris, la comtesse fut accaparée par Madame Fresnel, dont l'existence intime, déjà dérangée par l'effraction morale de Roxervière, n'avait plus pour le moment le même mystère et le même charme qu'autrefois. D'abord, à la vue du marquis reçu en habitué, Claire de Chalonne, qui le connaissait de réputation, fronça le sourcil, mais moins qu'elle ne l'eût fait jadis. Bientôt, elle se rassura. Le diable, à ce qu'elle pouvait voir, n'était pas encore ermite, mais il tournait au prédicateur et n'ouvrait la bouche que pour des paroles fort sages. Cette fois, Chérency se montra plus librement. Là où venait le marquis, il n'avait pas de raison pour ne point se laisser voir, et désormais, Nadia n'avait plus le même droit de montrer la jalousie et de pratiquer l'exclusion. Dès lors, on rencontra de temps en temps ces quatre personnes réunies ensemble dans le salon de Madame Fresnel. Trop habile pour courir de lièvre, surtout quand l'un des deux avait son gîte si loin, Roxervière n'avait point semblé faire grande attention à la comtesse, bien qu'elle dépassât en beauté non point Nadia seulement, mais encore beaucoup d'étoiles parisiennes. De son côté, Claire avait moins le goût pour les analyses du marquis que pour la conversation chaude et colorée d'un artiste et d'un homme d'esprit comme Paul. Tout en l'écoutant avec un plaisir augmenté d'heure en heure, elle observait sa manière d'être avec Nadia et n'y comprenait plus rien. Que se passait-il donc entre eux? Comment Chérency pouvait-il admettre avec cette confiante indifférence les assiduités d'un Roxervière? Fidèle au pacte imposé par elle-même, elle ne faisait rien pour provoquer les confidences de sa cousine, mais elle devenait plus triste à mesure qu'approchait leur tour à l'après. Un jour, Paul lui dit, frappé de cette tristesse, « Quand je vous regarde, je me sens pris d'une colère sourde contre le destin. Pourquoi faut-il que les bonheurs les plus parfaits soient détruits par sa main envieuse? Les chefs-d'œuvre de la félicité humaine, ainsi que les chefs-d'œuvre de l'art humain, devraient échapper à la ruine. Quelque protection suprême devrait les défendre, en faire un musée ouvert, comme le Louvre. Ô pauvres diables, qui n'ont rien chez eux pour orner leurs quatre murs. » Mais répondit Claire en rougissant un peu, « Que parlez-vous d'aller au Louvre? Êtes-vous aussi dépourvu? Ne connaissez-vous pas le bonheur par vous-même? Oh, le bonheur! J'en possède une copie, peut-être. L'original était dans votre possession. Et pourtant, ce n'est pas vous que je plains. C'est celui que la mort a privé de vous. Il est vrai qu'il ne pouvait vous perdre autrement. Le lien qui vous attache à lui était le seul indestructible, le seul fort comme la mort même. » Paul s'arrêta. Pour la première fois, il venait de surprendre la possibilité d'une allusion dans le langage de Madame de Chalonne. Avait-elle par hasard deviné quelque chose? Au bout d'un instant, pendant lequel ses yeux n'avaient pas quitté la comtesse, il reprit « Si vous me permettiez de vous peindre, je vous représenterai avec l'expression que vous avez maintenant, et j'écrirai sur la toile les vers du Dante. Pour celui qui souffre, point de douleur plus grande que la mémoire du bonheur passé à jamais. » L'heure s'avançait. Claire, sans faire de réponse, prit congé de sa cousine et regagna son hôtel. Avant de s'endormir, elle s'approcha du lit où reposait sa fille et l'entourant de ses bras avec un mouvement passionné. « Ah, cœur faible, cœur ingrat, cœur indigne » s'écria-t-elle. « De qui parlez-vous donc, maman ? » dit la jeune Marthe, subitement réveillée. « D'une personne que tu ne connais pas. Et que personne ne connaît, mon enfant. Dors et sois heureuse. » Nadia fit tous ses efforts pour retarder de quelques jours le départ de sa cousine. Mais Madame de Chalonne fut inflexible. Elle mit en avant la santé de sa fille. La petite, en effet, éprouvait de sa croissance une fatigue de nature à exiger des soins. Sur l'avis des médecins, la mère et l'enfant devaient passer toute la belle saison dans les montagnes. Le mois de juin commençait. Il fallait rentrer à l'après pour s'occuper activement des préparatifs d'une longue absence. Madame de Chalonne partit. Le soir de son départ, Paul et Nadia se retrouvèrent seuls, dans le petit salon où ils avaient passé tant d'heures délicieuses. « Enfin !» s'écria Chérency en ouvrant ses bras. Ce fut, comme ils le dirent eux-mêmes, une soirée du bon vieux temps. Une fois encore dans leur vie, ces deux êtres connurent l'intimité, la tendresse, la confiance. Ils ne parlèrent que d'eux-mêmes, faisant pour l'été qui commençait mille projets mystérieux et charmants. Ils leur semblaient à l'un et à l'autre que Roxervière n'avait jamais existé, mais il ne fut pas question de lui. Peut-être Paul, qui en parlait trop d'ordinaire, n'en parla-t-il pas assez ce soir-là, sur un siège du maître de son cœur, dans les dispositions où elle était. Madame Fresnel lui fermait sa porte à tous les Roxervières du monde. Le lendemain, à son réveil, Nadia reçut un bouquet avec ces mots. « Vous devez être bien triste ce matin. Permettez qu'un ami dévoué remplisse un peu avec ses fleurs le vide laissé par votre charmante cousine, Roxervière. » La jeune femme se sentit fort touchée de l'attention et se dit qu'un égoïste blasé ne l'aurait pas eue. Quant à Paul, à qui les pièces du procès furent soumises, il dut convenir que le poulet n'avait rien d'incendiaire et les fleurs rien d'exagéré. « C'est un bouquet d'honnête femme allant à pied, » déclara-t-il. « Roxervière est passé maître dans l'art des nuances. » Il parlait avec un sourire ironique, mais sous l'ironie, Madame Fresnel crut deviner une souffrance. « Voulez-vous que je renvoie ces fleurs ? » demanda-t-elle subitement attendrie. « Il est trop tard maintenant. D'ailleurs, de quel droit vous donnerais-je des ordres ? Je ne suis pas votre mari. » La réplique n'était pas heureuse. Nadia ne savait que trop qu'elle n'avait point de mari. Blessée dans son endroit sensible, elle dit à Paul « Vous n'êtes que mon amant, c'est vrai. Mais vous m'avez répété si souvent que vous voudriez être mon mari. » Elle avait les yeux pleins de larmes. Paul, redevenu lui-même, la prit dans ses bras. « Et je vous le dis encore, » fit-il, « sur mon honneur et sur notre amour, je le serais demain si je pouvais. » Cependant, l'on aura pu croire que Roxervière avait attendu le départ de Madame de Chalonne, sinon pour démasquer ses batteries, du moins pour les rapprocher avec une tranquillité patiente. La bouche des canons ne se distinguait pas encore, mais on voyait s'aligner des tertres verdoyants qui n'auraient rien de bon aux yeux d'une assiégée ayant plus d'expérience. L'homme sévère mais juste tournait au complimenteur et à l'optimiste. Le professeur tombait en admiration devant les progrès de son élève. À l'entendre, il avait moitié fabriqué, moitié découvert une nouvelle Nadia, sérieuse, compassée, raisonnable, raisonneuse surtout, traçant au cordeau, comme un jardinier plante ses choux, les moindres paroles et les moindres actes. Il l'avait proclamée femme supérieure, et avec ce mot, le compère l'avait bientôt deviné, il l'eût fait passer dans un cerceau comme une écuyère de cirque. Depuis sa promotion au grade de femme supérieure, Madame Fresnel nourrissait contre Paul un grief secret. Vainement, quand ils causaient ensemble, elle lui mettait sous le nez ses galants tout neufs. L'aveugle s'obstinait à ne pas les voir. Il la traitait en femme gracieuse, en femme bonne, en femme sûre, en femme aimée, en femme supérieure, point. Et pour s'en venger, elle le traitait lui-même en homme superficiel, n'appréciant dans les autres que les qualités secondaires. Quelle différence avec le marquis! Celui-ci, par contre, daignait parfois descendre de la chaire et se montrer amusant. Il racontait des histoires de la cour du Second Empire qu'il connaissait bien, pour s'y être rallié à des panaches qu'on trouvait toujours sur le chemin des parties fines. D'autres fois, il rapportait du club les cancans de la nuit encore tout chauds. Il accusait à cette heure un scepticisme de haut vol, et cette expérience élégante, qui en arrive par la force des choses, à distinguer entre la théorie des principes, bonne pour les masses, et leur pratique intelligente, spécialement réservée aux Roxervières et consorts. Enfin, il avouait qu'au-dessus des fidélités les plus sincères et des vertus les plus rigides, plane victorieusement le génie fatal des chutes. Et à l'entendre, ce puissant génie avait daigné en plus d'une occasion lui prêter sa baguette. Il disait cela sans forfanterie, mais d'un air convaincu, les yeux brillants, fascinateurs, et la pauvre Nadia, plus troublée qu'elle ne voulait le paraître, regardait du côté de la canne du marquis, craignant toujours de la voir grandir à la dimension d'un sceptre magique. Bien entendu, l'arrivage des bouquets continuait. Ils apparaissaient régulièrement le mercredi et le samedi matin, le lendemain des jours du marché aux fleurs de la Madeleine, ainsi que le remarquait Paul en ricanant, car depuis quelque temps, son caractère ne tournait point à l'aimable. « Ce Roquesservière, disait-il, a toujours le talent de profiter des occasions. » Nadia, énervée, prenait en grippe les hommes, les bouquets et l'amour en général. Elle parlait de disparaître sans crier gare, un beau matin. Pas une seule fois, depuis que le marquis venait chez elle, un mot n'avait été prononcé que l'univers ne put entendre, et cependant, elle sentait quelque chose de dérangé dans sa vie. « Pourquoi suis-je allée chez Nathalie ?» gémissait-elle. « Pourquoi m'a-t-on laissée seule ce soir-là » Vers la fin de juin, Roquesservière jugea que l'heure était venue, et la pauvre Nadia entendit l'ancienne que tant d'autres avant elle avaient entendu de la même bouche. D'ailleurs, il débita la chose tranquillement, comme les grands artistes chantent la cavatine aux Italiens, en soignant la musique plus que les gestes. Il ne se montrait ni violent, ni pressant, ni même pressé, bien qu'il le fût, à cause de la saison qui touchait à son terme. Personne ne saura jamais quelle fut sa surprise lorsque Madame Fresnel, aux premières ouvertures, l'envoya promener comme elle eût fait du premier venu. Il crut qu'il entendait de travers, bien que, Dieu merci, ses oreilles fussent restées bonnes. Nadia dut lui répéter, en appuyant sur les mots, qu'elle refusait de se donner à lui, qu'il se trompait du tout au tout en supposant le contraire, et qu'elle n'avait jamais compté devoir pousser si loin l'honneur de sa connaissance. En aucune occasion de sa vie, si ce n'est quelques jours plus tard, le beau marquis ne fut plus près de jurer en plein salon devant une femme bien élevée. Vous auriez dit un homme à qui l'on vient de voler son chapeau sur sa tête. Toutefois, il se contint, et comme il devait dîner, ce même soir, à 7 heures, chez une certaine vicomtesse de Saint-Riol, qui commençait à voir la cervelle tournée de lui, il se leva sans discuter davantage et se retira d'un air grave. « Au revoir, madame, » dit-il seulement, d'un ton derrière lequel on sentait la fameuse baguette. Dans le fond, il éprouvait encore plus d'ennui que de colère, et même, pour tout dire, il se sentait un peu inquiet. Or ça, l'âge de la guigne va-t-il commencer ? Se demandait-il en traversant à pied les Tuileries. Il était frappé, moins dans son amour-propre de Don Juan que dans son intégrité d'homme intact, sans abari, ne connaissant pas encore l'amer chagrin de ne pouvoir plus aujourd'hui ce qu'il pouvait la veille. Il subissait le choc superstitieux ressenti par le joueur, en veine depuis le commencement de la partie, qui vient d'abattre un coup nul et craint de voir tourner la chance. « Peste soit de la mijaurée, » pensait-il. « Suis-je donc maintenant un de ces hommes que les femmes remercient sans se fâcher, en leur faisant comprendre qu'elles les trouvent un peu mûres ? Le diable m'emporte, si cet ingénu ne se figurait pas que je vais chez elle pour ses beaux yeux et son esprit. » Positivement, elle tombait des nues quand j'ai serré la question. « Elle n'a même pas eu peur. Ma belle enfant, patience, on ne se moque pas encore de Roquesservière. » Cependant, Nadia, tout en faisant bonne contenance, avait eu plus de peur qu'elle n'en avait montré. Le soir, Chérency ne la reconnut pas. Elle se blottissait contre lui avec cette tendresse confiante, enfantine, un peu humble, qui était son grand charme, et qu'elle avait moins, il faut l'avouer, depuis que Roquesservière, ce grand connaisseur, la traitait en femme hors ligne. Paul, ce soir-là, fut remis sur son piédestal, flatté, cajolé, consulté, gâté. Mais moins avancé que le mari de la fable, il ignorait, en savourant ce bien si doux, à quel voleur il en avait l'obligation. Ah, la bonne soirée! Comme il était heureux en rentrant chez lui! Comme il apercevait un long avenir de joie intime, de fidélité, de dévouement! Avec quel enthousiasme jeune il acceptait une vie passée tout entière, s'il le fallait, sans foyer domestique, afin d'être toujours le soutien de cette chère créature qui n'avait que lui. D'ailleurs, un seul obstacle les séparait, un homme caché quelque part en Amérique sous un faux nom. Demain, Nadia pouvait être libre, et alors, devant le monde entier, pour toujours, il s'appartiendrait. Pauvres aveugles, pauvres ignorants que nous sommes. Il aurait eu le cœur déchiré, s'il avait su que pour la première fois, Nadia cachait un secret, et quel secret! Elle se taisait par prudence, à dire vrai, non par défaut de franchise. elle éprouvait envers le marquis un seul sentiment, une immense rancune. Si encore, pensait-elle, un amour vrai lui avait inspiré ce qu'il m'a osé dire. Oh, misérable isolement qui autorise tout. Enfin, il ne reviendra plus. C'est un mauvais rêve que j'ai fait. Il ne faut pas raconter certains rêves.